Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 13 octobre 2021. Très content de vous retrouver ce soir après une longue pause pour le temps des fêtes. Eh bien, Mélomanes n'est pas mort. Je commence à avoir hâte de vous retrouver d'ailleurs, et c'est ce soir que ça se passe, chers auditrices et auditeurs fidèles au poste. Comme toujours, on connaît toute la situation qui nous oblige à être plus casaniers ces jours-ci. On n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura toujours la musique pour voyager un peu dans nos têtes. Gros minimum, c'est pour ça que ça se passe à Mélomanes ce soir. Et tout ça, bien sûr, au 99.1 et 88.9 CFNJ. Yeah.

et c'est à Mélomane que ça se passe ce soir. En fin de retour sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Et soit dit en passant, je l'avais mentionné sur le groupe Facebook Mélomane, que je vous invite à rejoindre pour plus de contenu toute la semaine d'ailleurs. Mais au cas où vous ne l'auriez pas vu passer, bien juste prendre en note que pour le mois de janvier, l'émission commencera peut-être pas toujours à 20h pile, comme ce soir d'ailleurs, parce qu'il y a un bingo spécial ce mois-ci. Et que si jamais il n'y a pas eu de gagnant, eh bien, ça se peut que le dit bingo dure parfois un peu plus longtemps. Mais ça ne change rien côté contenu parce que on va quand même partir ça. Vous allez avoir droit à votre dose hebdomadaire de 2 heures de Mélomane, quitte à dépasser 22 heures. Donc, c'est à noter si jamais vous avez l'impression que l'émission ne part pas à temps. Et parlant de dose de musique éclectique à souhait, ben on a déjà eu droit à un échantillon, à toutes sortes de choses dans ce premier bloc qui a amorcé la soirée et qui s'est terminé avec une chanson relativement récente, de 2015 pour être plus précis. Très belle pièce, au relent un peu de Where Is My Mind, les Pixies, pour ce qui est des accords, mais tout de même une belle pièce qui s'appelle Mama Said, d'une jeune artiste ontarienne, plutôt du côté folk des choses, et qui s'appelle Cat Clyde, que je vous encourage évidemment à découvrir, et qu'on a entendu ici juste après une magnifique, magnifique chanson des Stranglers, un groupe qui a probablement plus marché au Royaume-Uni initialement. Et ça a eu pour résultat, à mon humble avis, que le groupe a été cruellement sous-estimé en terre d'Amérique, dont le Québec. Les Stranglers, qui sont originalement issus de la première vague punk UK, comme des légions de formation de leur époque, mais qui vont toucher un peu à tout. Ils vont être quelque part à cheval entre le post-punk, le new wave, et même, on pourrait dire, avec la pièce qu'on a entendue, qui vont s'aventurer dans ce qu'on aime parfois appeler le baroque pop, comme dans celle qu'on a entendue, une pièce du nom de Golden Brown, sortie en 1981, une espèce de valse incongrue avec un son qui ressemble drôlement à du clavecin, d'où l'appellation d'origine contrôlée baroque pop. Et une valse incongrue parce que ça passe du 6-8 au 7-8, donc longue histoire courte, sans tomber dans le détail. Ça a l'air d'une valse, mais c'est pratiquement indansable. Vous vous en rendriez compte si vous essayez de danser dessus. Et pour la petite anecdote, ben c'est une chanson qui a suscité une petite controverse à sa sortie parce qu'il semblerait que Golden Brown ferait autant référence à une femme qu'à l'héroïne. Et vous aurez compris qu'on parle pas ici d'une femme héros. Mais bref, une très belle chanson des Stranglers qui suivait ici un autre groupe de l'époque New Wave américain, cette fois-ci on pourrait même dire, qui personnifie le mouvement lui-même du New Wave, le groupe The Cars, qu'on a entendu avec certainement un de leurs plus grands succès en carrière, Just What I Needed, tiré de leur tout premier album homonyme de 1978, qui était précédé ici de quelque chose d'un peu plus obscur, parce qu'il faut bien faire des découvertes. On s'est aventuré dans la soul R&B avec JD, à ne pas confondre avec le fameux producteur DJ, surtout connu dans le monde du hip-hop, Jay Dilla, qui se faisait aussi appeler parfois JD, mais c'est bien un vieil artiste soul R&B qu'on a entendu avec sa pièce « You're Gonna Learn » de 1973, qui suivait un an auparavant, en 72, qui d'autre que Madame Nana Mouskouri, directement de Grèce, en personne, avec son méga succès Soleil, Soleil, juste parce que ça fait du bien de s'imaginer, d'évoquer le soleil ces temps-ci, et le tout amorcé, pourquoi pas, par du bon vieux White Stripes, Garage à souhait, le tout empreint de blues, comme on l'aime, Meg et Jack White, en 2000, avec Hello Operator. Et sur ce, ben, c'est le temps de replonger la tête, la première, en musique, pour un voyage complètement différent du premier. Tout ça, évidemment, ça se passe à Mélomane, 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back.

crying in the corner, cause I ain't in the sorta. Kinda dissing niggas, I'm borderline addicted to slaughter. Line up niggas in order of who you think can really fuck with me most. Then I tuck the heat close, if he don't duck then he ghost. Ain't no need for discussion, if they won't talking about the bread, these motherfuckers be toast. Clap at the fake deep rappers, the OG gatekeep rappers, the would you take a break please rappers. Bunch of words and ain't saying shit, I hate these rappers. Especially the amateur 8-week rappers, lil whatever, just another short bus rapper. Fake drug dealers turned tour bus trappers, Napoleon complex, you this tall rappers. Get exposed standing next to 6'4 rappers, the streets don't fuck with you, you pitchfork rappers. Chosen by the white man, you hip store rappers. I reload the clip, then I hit more rappers with that. Straight shitting on these piss poor rappers, I'm back. Never knew a nigga that was better. Revenue, I'm good at getting cheddar. Reminisce on days I didn't eat. If it's meant to be, then it'll be. If it's not, then fuck it, I'ma try. Ain't no need to ask the father why, no. Cause one day everybody gotta die. One day everybody gotta die, oh. One day everybody gotta die. One day everybody gotta die, my nigga. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. La Choose to do, and I will be alone again. somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. Toujours à Méloman, ce soir, sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9, avec encore une fois, comme on avait dit tantôt, un voyage complètement différent qui s'est achevé ici sur quelque chose d'assez épique. Une pièce d'un groupe malheureusement un peu moins connu des années 60, un groupe originaire de Los Angeles, en plein boom Flower Power, pas très loin du fameux coin de rue Haight-Ashbury de San Francisco, une ville un peu plus loin, mais quand même beaucoup plus proche qu'ici, qui va voir naître les Jefferson Airplane, Grateful Dead et Janis Joplin de ce monde. Mais nous, c'est le groupe Love qu'on a entendu, tout simplement Love, une formation un peu à part qui, comme vous l'avez entendu, va s'inspirer d'un paquet de styles différents pour confectionner leur musique bien à eux. On les a entendus avec leur classique Alone Again Or, avec ses couleurs parfois flamenco, parfois mariachi, surtout avec le solo de trompette, un très beau mélange qui représente assez bien l'album duquel la pièce va être tirée en 1967. Un album du nom de Forever Changes, qu'on qualifie souvent de un masterpiece, comme on dit en chinois. Donc, vraiment un très bon album. Il va sans dire que je vous conseille fortement de découvrir cet album-là, Forever Changes, du groupe Love, qu'on a entendu juste après un très grand compositeur qu'on a perdu il n'y a pas très longtemps, le 6 juillet dernier, en fait. On parle, bien sûr, du seul et unique Ennio Morricone, qui est un habitué de l'émission et qui, franchement, n'a pas fini de l'être parce que son œuvre est hyper riche. Et on a entendu ici quelque chose d'un peu plus rare. Il s'agissait du thème principal du film Two Mules for Sister Sarah, un western sorti en 1970 qui mettait en vedette, nul autre que Clint Eastwood et une toute jeune Shirley MacLaine qui venait ajouter une petite touche d'humour à ce genre de films-là qui sont souvent un peu plus sérieux. Bref, je vous le conseille si vous aimez le genre et bien sûr la musique inimitable d'Ennio Morricone dont l'orchestre imitait ici le cri de l'âne, le braiement de l'âne pour être plus précis. Ça a l'air de rien comme ça, mais imiter ou évoquer des sons de tous les jours comme ça dans l'orchestre, ça remonte à des compositeurs comme Hector Berlioz, qui est un compositeur français qui va grandement populariser ce genre d'effet-là d'orchestre dans sa symphonie fantastique de 1830. Hector Berlioz, qui va aussi rédiger un traité d'orchestration qui est encore utilisé dans les écoles de musique de nos jours d'ailleurs. Donc, c'est pas rien. et compositeur qui va justement probablement inspirer notre cher Ennio Morricone, qui était précédé ici de David Simard, une étoile montante du trad, natif du lac Saint-Jean, mais qui est maintenant installé à Montréal, mais qui est surtout à l'origine d'un magnifique album qui vient tout juste de sortir au mois de décembre, que je vous encourage vraiment à découvrir, même si vous n'êtes pas friand de trad. Je dirais même surtout si vous n'êtes pas friand de trad, parce que c'est un album qui a un cachet incroyable et qui s'appelle tout simplement Violoneux. On l'a entendu ici avec la première pièce du dit album, soit la Turlute Alfred. C'est vraiment, on sent un grand respect pour le genre et, je sais pas, un renouveau. Il y a quelque chose dans le cachet de cet album-là qui est assez spécial. Et on parlait d'une valse incongrue tantôt. Ben, c'est un peu la même chose dans ce qu'on a entendu. C'est pas une valse, là, mais les mesures changent tout le temps. C'est jamais la même métrique. Et ça peut être assez déconcertant pour un musicien qui pense les choses un peu trop carrées, là, qui joue du pop ou qui est habitué vraiment toujours en 4-4. Dans le milieu du trad, on va tout simplement dire que c'est croche. Mais c'est pas du tout péjoratif, même que c'est souvent ça qui rajoute un peu d'épices dans la sauce. Et chose qui était précédée de manière complètement inattendue de J. Cole, un gars qui donne ses lettres de noblesse au rap dernièrement, style qui a beaucoup souffert de la vague déferlante du trap nous venant d'Atlanta et des États du Sud des États-Unis dans les dernières années, qui nous a donné des bons trucs, mais... Comment dire? Pas toujours. On a entendu ici le jeune J. Cole avec Everybody Dies de 2016 qui suivait en 1954, cette fois-ci, la légende, la seule et unique Sarah Vaughan. Je peux pas croire que je fais cette erreur-là. Ça s'écrit Vaughan, mais il faut dire Vaughan. Bref, chanteuse de jazz entre chanteuses de jazz, de toutes les chanteuses de jazz, une virtuose avec le grand classique Lullaby of Birdland, composé par George Shearing, et qu'on a entendu juste après une petite obscurité comme on les aime, du compositeur italien Piero Umiliani, surtout connu pour ses musiques de films. On a entendu ici une pièce qui nous vient du film Baba Yaga de 1973, pièce du nom de Open Space. Et nous, ben, on est dû pour un autre bloc qui commence ici avec une pièce de Ray Charles que vous connaissez, mais dans une reprise de 1966 pour faire changement. Tout ça, bien sûr, à Meloman, 99.1, 88.9, CFNJ. Mama, tell your pa, gonna move you back to Arkansas.

Dans le soleil, je me baignerai, car il fait si froid dehors au mois de janvier. La glace est dure, et quand tu partiras, ce sera comme quand tu reviendras, car il fait si froid dehors. Dans la nuit, je te raconterai ce que je vois, les autobus de temps en temps, et pas un bruit, et personne à la fois. Mes amis, je pense à vous. Je pense à vous. Même si je crois que je vais rester chez moi, car il fait si froid dehors au mois de janvier. Tu repars, inquiète, perturbée tellement. Passe les autobus sous ma fenêtre de temps en temps. Tandis que l'heure avance, les gens passent et rien ne se passe. C'est l'hiver, les grands froids ont cessé tout mouvement. La glace est dure, les fenêtres cassantes. La nuit est noire et le ciel est inquiétant. Le temps passe et quand fondra la glace, aurons-nous fait quelques pas de plus. Passent les autobus sous ma fenêtre et personne à la fois. C'est ça l'hiver. Et nous rêverons, en regardant dehors, en pensant à la vie et à la mort, à autre chose encore. C'est ça l'hiver, il n'y a ni début ni fin, et tout est en suspens, les corbeaux du printemps, les corbeaux du printemps. Car il fait si froid dehors au mois de janvier. Météo. Faible neige intermittente et risque de bruine verglaçante pour les prochaines heures sur la Nausière. Température de moins 6 à moins 5 degrés. Jeudi, une journée nuageuse. Température de moins 2 à 0. Et vendredi, retour du soleil maximum de moins 2 à moins 1. CFNJ 89.1. Et toujours en plein mélomane ce soir. Et un bloc qui vient de se terminer avec une chanson toute de circonstance, comme l'a dit Nicolas Bellemare. Une chanson signée Jean Leloup. On a entendu « Hiver, il fait froid au mois de janvier ».« Hiver, tout simplement », tiré de son album « Mille excuses, Milady » de 2009. Chose qui suivait Patti LaBelle en 1976 au sein de son groupe qui s'appelait, sans trop de surprise, LaBelle, une formation qu'on connaît beaucoup pour la fameuse Lady Marmalade que Nanette Workman va reprendre ici au Québec, bien sûr. Mais c'est avec Get You Somebody New de leur album Chameleon qu'on les a entendus juste après un doublé à la Magicien d'Oz. Un des tout premiers films tournés en couleur, paru en 1939. Gros, gros classique duquel on a entendu facilement la pièce qui a su le mieux traverser le temps, qui est même devenue pas mal un standard dans plusieurs genres de musique. On a bien sûr entendu Over the Rainbow en version originale, s'il vous plaît, par une jeune Judy Garland qui devait avoir dans les 17-18 ans à l'époque, imaginez. Mais là, vous vous dites un doublé Magicien d'Oz? Eh bien oui, parce que juste avant, on a entendu nul autre que Metallica avec The Frayed Ends of Sanity, dont l'intro est carrément un clin d'œil à la mélodie que les gardes de la méchante sorcière. Et là, je me rappelle plus si c'est la sorcière de l'Ouest ou de l'Est. Donc, s'il y en a qui savent, gênez-vous pas, allez m'écrire ça. Sur le groupe Mélomane, je sais qu'il y en a une qui meurt tout de suite au début du film, et celle qui reste, la fameuse sorcière verte qui faisait peur quand on était jeune, c'est soit la méchante sorcière de l'Ouest ou de l'Est. Mais bref, ces gardes chantent cette mélodie-là, oh, eh, oh, qu'on entend, évidemment, dans le même film de Wizard of Oz 1939, et que Metallica a reprise, en fait, juste la mélodie du début, dans The Frayed Ends of Sanity, on pouvait entendre ça, évidemment, sur l'album Injustice for All de 1988, mais pas besoin de préciser pour les nombreux fans, j'imagine. Et tout ça amorcé par le groupe de British Blues par excellence, John Mayall and the Blues Breakers, avec un jeune Eric Clapton à la guitare. D'ailleurs, on en a déjà parlé à l'émission, c'est sur cet album-là que Clapton va créer un monstre. C'est lui qui va populariser le son d'une Gibson Les Paul branchée dans un ampli Marshall crinqué au max. On va d'ailleurs appeler ce modèle d'ampli-là dorénavant le Blues Breaker, c'est vous dire l'impact que ça a eu en honneur de cet événement historique, on va le nommer comme ça. Et ça, ça va donner naissance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qu'on va entendre dans le blues, le rock, le hard rock et même le metal dans les années 70, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui finalement. Donc, merci à Clapton qu'on a entendu ici dans une reprise de What I Say, chanson de Ray Charles que vous connaissez bien, mais là c'était dans la version John Mayall and the Blues Breakers de 1966. Et sur ça, ben on y va d'un autre petit bloc confectionné avec amour pour vous. Meloman, 99.1, 98.9, CFNJ. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time.

Louise, avec tes cheveux si blonds. Louise, tu ensorcelles tous les garçons. Mon cœur a besoin de toi. Louise, je suis à toi. C'est une prière que je t'adresse. L'écouteras-tu? Pensez-y bien, car tu le vois, je le confesse. Si tu le veux, je suis à toi. Louise, je t'aime à la folie. Louise, tu es toute ma vie. Mon cœur a besoin de toi. Louise, je suis à toi. Louise, crois-moi. Ma chérie, je t'en prie. Tous les deux, si tu le veux, on pourrait. Louise, je t'aime à la folie. Louise, tu es toute ma vie. Mon cœur a besoin de toi. Louise, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Was the summer I turned 18. We lived in a one-room run-down shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into a satin dancing dress. It was split on the side, cleaned up to my hips. It was red velvet trim and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a half-grown kid had stood. Here's your one chance, Patsy, don't let me down. Here's your one chance, Patsy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, please. But if you want out, well, it's up to you. Now don't let me down, your mom's gonna help you move uptown. Mama dabbed a little bit of perfume on me, then again she kissed my cheek. And I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. Your paw's run off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, to thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high-heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking, Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, Fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Uptown. Well, that was the last time I saw my ma. The night I left that rickety shack, cause the welfare people came and took the baby. Ma died and I ain't been back. But the wheels of fate had started to turn, and for me there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday, though I didn't know when or how. I couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame. I might have been born just plain white trash, but fancy was my name. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And 1 week later I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Yes, you were. Well, I charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat. And I ain't done past yet. No. Now in this world there's a lot of self-righteous hypocrites that would call me bad. And criticize my mama for turning me out, no matter how little we had. And though I ain't had to worry about nothing for now, 15 years, I can still hear the desperation in my poor mama's voice ringing in my ear. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, but if you want out, well, it's up to you. Now don't let me down, your mama's gonna help you move uptown. Et c'est toujours à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Un autre beau bloc qui vient de se conclure avec la magnifique Bobby Gentry, qu'on connaît aussi pour son succès Ode to Billy Joe. Mais là, c'est avec la chanson Fancy qu'on a entendu en 1970, Bobby Gentry, dont on dit qu'elle est une des premières autrices-compositrices féminines à composer et à produire son propre matériel. Donc, c'est pas rien. Et on l'a entendu juste après. Qui d'autre? Que notre cher Michel Louvain National, avec son succès Louise de 1961, qui suivait lui-même un groupe allemand un peu plus obscur du nom de Lucifer's Friend, et qui en 1970 nous a pondu une chanson qui s'appelle Ride the Sky, dans laquelle on peut retrouver une mélodie de corps qui rappelle dangereusement le fameux cri de Robert Plant au début d'Immigrant Song, au début de l'album Led Zeppelin 3. Led Zepp qui, on le sait, se sont souvent fait reprocher d'avoir une fâcheuse tendance à emprunter aux autres groupes sans demander la permission. Eh bien, ça fait pas exception à la règle dans ce cas-ci. Peut-être qu'à l'époque, ils pensaient qu'on n'entendrait jamais parler d'un petit groupe obscur d'Allemagne. Mais ça finit par se savoir, et c'est quand même important de rendre à César ce qui revient à César, parce que, vous l'avez entendu, dans Lucifer's Friend, on entend un peu de Dio, de Led Zepp, un peu de Sabbath et d'un paquet d'autres choses qui allaient venir. Vous irez écouter ça si vous avez une chance. 1970, Lucifer's Friend, album homonyme. Et la pochette à elle seule en vaut la peine. Et sinon, on a entendu Nancy Sinatra, la fille de l'autre, accompagné du seul et unique Lee Hazlewood, une espèce de cowboy psychédélique surréaliste qui chantait toujours sur des grosses orchestrations riches, avec un cachet incroyable. Bref, un gars que je vous conseille de découvrir sur le champ. Et ces deux-là, ben, on les a entendus avec leur classique Summer Wine de 1967, une chanson qui va aussi être reprise par cette chère Marie Laforêt qu'on aime d'amour à Méloman. Ils vont faire une reprise en duo avec Gérard Klein. Et tout ce beau bloc qui a été amorcé par Hazel English, une artiste qui œuvre plus dans le domaine de la dream pop, on l'a entendu avec I'm Fine en 2017. Mais c'est pas fini. Il y a plein d'autres choses à venir à tout ça à Méloman ce soir. 99.1 et 88.9 CFNJ. You, I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, There's no one like you, Eleanor, really. Really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. She's pretty as a daisy, but look up, man, she's crazy. She'll really do you in if you let her get under your skin. Poison. Poison ivy comes a creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya. Poison ivy alone will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a-creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and switch. A common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya. Lord will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes you creeping around. See the sparkling little diamond on your hand. It's plain to see that you've already got a man. I can tell you're not about to fall for any of my life. I see the in your smile, there's a quiet, soft desire. Like the ember of a once raging fire. You know I could light that fire again. You know see the one to in your eyes. How strong is a band of gold? Is it strong enough to hold when a love has grown cold and a woman wants a love sweet and warm? Many women just like you have silent schemes. How many men like me do they sleep with in their dreams? You can stay or you can go, and although I sympathize, I still see the want to in your eyes. I see the want to in your eyes. You can get into one of these interviews. There's only a couple ways you can get out. One is death. The other is mental institutions. Yeah. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Dis-moi ce qui ne va pas, car tu mets de l'ombre sur mes joies. Quand je vois tes yeux tristes ou fâchés, je suis perdu dans mes pensées. Dis-moi ce qui ne va pas. Sais-tu que je souffre autant que toi? Ce soir nous vivons en étranger, pressés de finir la soirée. Si tu veux faire un effort, je reconnaîtrai mes torts. On ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre au silence du remords. Dis-moi ce qui ne va pas. Nous ne pouvons pas en rester là. Tu en as trop dit ou pas assez pour fuir encore la vérité. Dis-moi ce qui ne va pas. Au lieu de vivre à moitié sans moi, quand on est à deux sur un bateau, on doit connaître ses défauts. Nous sommes bien assez grands pour affronter tous les temps. On ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre toujours à l'abri du vent. Viens te blottir dans mes bras, souris-moi et puis embrasse-moi. Laisse-moi sécher tes yeux rougis, maintenant que l'on sait tout dire. Dis-moi ce qui ne va pas, chaque fois que ton cœur m'en voudra. Les reproches ne me font pas peur, car je veux garder mon bonheur. The love of fuck, but the same. did you ever really think you'd love a guy like me? I am the rooster in the morning, I'm the cock of the day, I'm the bosser in the police, I'm a 12-ounce steak. Ayo, ayo, ayo, ayo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo. It's verbatim, and yeah, and it's naked, and yeah, and it's shaking. It shakes, shakes, shakes. Et toujours à Mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 avec ce qui, ma foi, va déjà ressembler à la fin de notre rencontre pour ce soir. C'est fou combien ça passe vite. Mais, vous le savez, je vous laisserai jamais aller sans vous faire au moins un topo rapide de ce qu'on a entendu dans notre dernier bloc. Eh bien, ça sera chose faite si je vous dis qu'on vient d'entendre un groupe vraiment particulier du nom de Mother Mother. On les avait déjà entendus une fois lors du fameux spécial d'Halloween, Meloman. Mais là, c'est avec Verbatim qu'on les a entendus en 2017. Chose qui suivait, pourquoi pas, un classique d'Enrico Macias en 1968. Soit « Dis-moi ce qui ne va pas ». Exactement la question que vous vous êtes peut-être posée sur moi quand vous avez entendu ce qu'a joué juste avant. On a entendu un genre qu'on appelle le doom metal, ou aussi du sludge metal ou stoner metal. Bref, c'est tous des genres qui se ressemblent un petit peu. Bref, un genre dont les racines remontent jusqu'à Black Sabbath ou même Lucifer's Friend qu'on a entendu tantôt. Et nous, on a entendu Dope Throne en 2000 avec Venom Sabbati qui suivait elle-même dans une incohérence des plus totales, Monsieur Conway Twitty, que les fans de Family Guy connaissent très bien, et qui, au sortir du pénitencier, n'avait qu'une seule idée en tête, faire comme Johnny Cash et être une star du country, eh bien, il n'a peut-être pas égalé Johnny Cash, mais il a tout de même réussi à devenir une star du country, et c'est avec I See the Want to in Your Eyes qu'on l'a entendu ici, en 1974, une chanson très drôle, où il a l'air de penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qu'il désire en silence. Bref, c'est priceless, comme on dit. Et sinon, on a aussi entendu les inégalables Coasters, qu'on aime eux aussi d'amour à Meloman, ceux qu'on connaît pour Yakety Yak, Charlie Brown, Down in Mexico. Eh bien là, c'est avec la très belle Poison Ivy qu'on les a entendus en 1959, juste après les bien-aimés Turtles, avec leur classique Eleanor en 1968. Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même poste, juste après le bingo. Et moi, je vous laisse avec le seul et unique Isaac Hayes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Bonne nuit. Yeah. time she explored, just heard a discussion about racial relations. Now, what?